Alors bonsoir, je suis avec Raquel du coup. Raquel, donc tu fais des Actual Play. Du coup, j'ai une question à te poser. Pour toi, le MJ est-il un joueur comme les autres ? Pour moi, oui. Le MJ est un joueur comme les autres. Parce que je considère que quand un MJ prépare ou écrit ou fait jouer une partie, il fait d'abord jouer ce qu'il aimerait lui en tant que joueur faire comme partie. Donc à partir de là, il écrit entre guillemets sa partie idéale. D'accord. Donc pour toi, le MJ, c'est un joueur qui veut faire jouer sa partie idéale. C'est ça. C'est un joueur qui propose sa vision d'une partie qui soit agréable, qui soit amusante, plaisante, quelle que soit la situation ou le jeu qui soit prévu, tel que lui aimerait le faire. D'accord. Et le fait qu'il soit donc quelque part garant des règles du jeu et du scénario, ou qu'il prévoit sa partie idéale, ne penses-tu pas qu'il va imposer une sorte de partie à des joueurs et du coup Il impose, oui, d'une certaine manière. Après, ça force aussi un petit peu, même si c'est un peu paradoxal, à anticiper justement un peu ses joueurs, surtout sur des parties qui sont, enfin, sur des équipes qu'il connaît déjà. Il va savoir déjà quel joueur, quel type de joueur il a, quel caractère il va avoir à jouer. Il va pouvoir le composer avec. Mais comme il composerait pour écrire une histoire sur laquelle il va avoir qu'à moitié la main. D'accord. Donc il apporte, il fait la moitié du chemin vers les joueurs qui vont faire l'autre moitié vers lui. C'est ça, c'est l'idée, effectivement. Il va donner, comme toujours, le point de départ, la ligne directrice, le point d'arrivée, et il va composer avec, on va dire, le squelette de l'histoire, ce que les joueurs vont rajouter comme chair, et en fin de compte, rajouter derrière la peau de ce qu'auront fait les joueurs. D'accord, donc c'est un joueur comme les autres, et qui est complémentaire du reste de la table. C'est ça, c'est le joueur complémentaire, en quelque sorte. Ça reste un jeu de rôle, le maître du jeu reste pour moi joueur aussi. Parfait, parfait. Et donc, du coup, Raquel, où peut-on te retrouver ? Eh bien, moi, on peut me retrouver régulièrement sur la chaîne d'Ikel Fire, de la communauté du Royaume sous la Montagne. Assez régulièrement, c'est pas le terme, mais assez couramment sur des jeux, sur notamment Chronique Oubliée, Fantasy, sur plusieurs parties différentes, plusieurs univers différents. D'accord, écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question, et puis à bientôt, du coup, sur les internets, ou de nouveau, en vrai. Ce sera avec grand plaisir.